Chapitre 31. Réfléchis. Elle eût voulu réfléchir, mais comment, alors que M. Vulfranc attendait? Elle se remit donc à sa traduction, se disant que pendant qu'elle travaillerait, son émotion se calmerait peut-être, et qu'alors elle serait sans doute mieux en état d'examiner sa situation et de décider ce qu'elle avait à faire. « La principale difficulté que j'ai, comme je vous le dis, rencontrée dans mes recherches, a été celle du temps qui s'est écoulé depuis le mariage de M. Edmond Pindavoine, votre cher fils. Tout d'abord, je vous avoue que privé des lumières de notre révérend père Leclerc qui avait béni cette union, j'ai été complètement désorientée et que j'ai dû chercher de différents côtés avant de recueillir les éléments d'une réponse qui pût vous satisfaire. De ces éléments, il résulte que celle qui est devenue la femme de M. Edmond Pindavoine était une jeune personne douée de toutes les qualités, l'intelligence, la bonté, la douceur, la tendresse de l'âme, la droiture du caractère, sans parler de ses charmes personnels qui, pour être éphémères, n'en ont pas moins une importance souvent décisive pour ceux qui laissent leur cœur se prendre par les vanités de ce monde. » Quatre fois elle recommença la traduction de cette phrase, la plus entortillée à coup sûr de cette lettre, mais elle s'acharna à la rendre avec toute l'exactitude qu'elle pouvait mettre dans ce travail, et si elle n'arriva pas à se satisfaire elle-même, au moins eut-elle la conscience d'avoir fait ce qu'elle pouvait. Le temps n'est plus où tout le savoir des femmes hindoues consistait dans la science de l'étiquette, dans l'art de se lever ou s'asseoir, et où toute instruction, en dehors de ces points essentiels, était considérée comme une déchéance. Aujourd'hui, un grand nombre, même parmi celles des hautes castes, ont l'esprit cultivé et se rappellent que dans l'Inde ancienne, l'étude était placée sous l'invocation de la déesse Sarasvati. Celle dont je parle appartenait à cette catégorie, et son père ainsi que sa mère, qui était de famille brahmane, c'est-à-dire de foi née selon l'expression hindoue, avait eu le bonheur d'être converti à notre sainte religion catholique, apostolique et romaine par notre révérend père Leclerc pendant les premières années de sa mission. Par malheur, pour la propagation de notre foi dans le Hind, l'influence de la caste est toute puissante, de sorte que qui perd sa foi perd sa caste, c'est-à-dire son rang, ses relations, sa vie sociale. Ce fut le cas de cette famille qui, par cela seul qu'elle se faisait chrétienne, se faisait en quelque sorte paria. Il vous paraîtra donc tout naturel que, rejetée du monde hindou, elle se soit tournée du côté de la société européenne, si bien qu'une association d'affaires et d'amitié l'a unie à une famille française pour la fondation et l'exploitation d'une fabrique importante de mousseline sous la raison sociale d'Oresani, hindou, et Bercher, le français. Ce fut dans la maison de Madame Bercher que M. Edmond Pindavoine fit la connaissance de Mademoiselle Marie d'Oresani et s'éprit d'elle, ce qui s'explique par cette raison principale qu'elle était bien réellement la jeune fille que je viens de vous dépeindre. Tous les témoignages que j'ai réunis concordent entre eux pour l'affirmer, mais je ne peux pas en parler moi-même puisque je ne l'ai pas connue et ne suis arrivée à Dakar qu'après son départ. Pourquoi s'éleva-t-il des empêchements au mariage qu'il voulait contracter? C'est une question que je n'ai pas à traiter. Quoi qu'il en ait été, le mariage fut célébré, et dans notre chapelle, le révérend père Leclerc donna la bénédiction nuptiale à M. Edmond Pindavoine et à Mademoiselle Marie d'Oresani. L'acte de ce mariage est inscrit à sa date sur nos registres, et il pourra vous en être délivré une copie si vous en faites la demande. Pendant 4 ans, M. Edmond Pindavoine vécut dans la maison des parents de sa femme, où une enfant, une petite fille, leur fut accordée par le Seigneur Tout-Puissant. Les souvenirs qu'ont gardés d'eux ceux qui à Dakar les ont alors connus sont les meilleurs et les représentent comme le modèle des époux, se laissant peut-être emporter par les plaisirs mondains, mais cela n'était-il pas de leur âge, et l'indulgence ne doit-elle pas être accordée à la jeunesse? Longtemps prospère, la maison d'Oresani et Bercher éprouva coup sur coup des pertes considérables qui amenèrent une ruine complète. Monsieur et Madame d'Oresani moururent en quelques mois d'intervalle, la famille Bercher rentra en France et Monsieur Edmond Pindavoine entreprit un voyage d'exploration en Dalhousie comme collecteur de plantes et de curiosités de toutes sortes pour des maisons anglaises. Avec lui, il avait emmené sa jeune femme et sa petite fille, alors âgée de 3 ans environ. Depuis, il n'est pas revenu à Dakar, mais j'ai su par un de ses amis à qui il a écrit plusieurs fois, et aussi par un de nos pères qui tenait ses renseignements du révérend père Leclerc, resté en correspondance avec Madame Edmond Pindavoine, qu'il a habité pendant plusieurs années la ville de Dera, choisi par lui comme centre d'exploration sur la frontière tibétaine et dans l'Himalaya, qui, dit cet ami, ont été fructueuses. Je ne connais pas Dera, mais nous avons une mission dans cette ville, et si vous pensez que cela peut vous être utile dans vos recherches, je me ferai un plaisir de vous envoyer une lettre pour un de nos pères dont le concours pourrait peut-être les faciliter. » Enfin, elle était terminée, la terrible lettre, et tout de suite, après le dernier mot écrit, sans même traduire la formule de politesse de la fin, elle ramassa les feuillets et se rendit vivement auprès de M. Vulfranc, qu'elle trouva marchant d'un bout à l'autre de son cabinet en comptant les pas, autant pour ne pas aller donner contre la muraille que pour tromper son impatience. « Tu as été bien lente, » dit-il. « La lettre est longue et difficile. N'as-tu pas été dérangée aussi ? J'ai entendu la porte de ton bureau s'ouvrir et se fermer deux fois. » Puisqu'il l'interrogeait, elle crut qu'elle devait répondre sincèrement. Peut-être était-ce la seule solution honnête et juste aux questions qu'elle avait agitées sans leur trouver de réponse satisfaisante. « Monsieur Théodore et Monsieur Talwell sont venus dans mon bureau. » « Ah !» Il parut vouloir s'engager sur ce point, mais s'arrêtant, il reprit. « La lettre d'abord, nous verrons cela ensuite. Assieds-toi près de moi et lis lentement, distinctement, sans hausser la voix. » Elle fit sa lecture comme il lui était commandé et d'une voix plutôt faible que forte. De temps en temps, M. Vulfranc l'interrompit, mais sans s'adresser à elle, en suivant sa pensée. « Modèle des époux. Plaisir mondain ?» « Maison anglaise. Quelle maison ? Un de ses amis ? Quel ami ? De quelle époque datent ces renseignements ?» Quand elle fut arrivée à la fin de la lettre, résumant ses impressions, il dit « Des phrases, pas un nom, pas une date. Que ces gens-là ont donc l'esprit vague ?» Comme ses observations ne lui étaient pas faites directement, Perrine n'avait garde de répondre. Alors un silence s'établit que M. Vulfranc ne rompit qu'après un temps de réflexion assez long. « Peux-tu traduire du français en anglais, comme tu viens de traduire de l'anglais en français ?»« Si ce ne sont pas des phrases trop difficiles, oui. »« Une dépêche ?»« Oui, je crois. »« Eh bien, assieds-toi à la petite table et écris. » Il dicta. « Père Fildes, mission, Dhaka. Remerciement pour lettre. Prière envoyée par dépêche, réponse payée 20 mots, nom de l'ami qui a reçu nouvelle, dernière date de celle-ci. Envoyé aussi nom du père de Dera. » Lui écrire pour le prévenir que je m'adresse à lui directement. Pain d'avoine. Traduis cela en anglais et fais plutôt court que plus long. À 1,60 francs le mot, il ne faut pas les prodiguer. Écris très lisiblement. La traduction fut assez vivement achevée. Elle la lut à haute voix. Combien de mots ? Demanda-t-il. En anglais, 45. Alors il calcula tout haut. Cela fait 72 francs pour la dépêche, 32 pour la réponse. 104 francs en tout que je vais te donner. Tu la porteras toi-même au télégraphe et la liras à la receveuse pour qu'elle ne commette pas d'erreur. En traversant la véranda, elle y trouva Talwell qui, les mains dans les poches, se promenait là de manière à surveiller tout ce qui se passait dans les cours, aussi bien que dans les bureaux. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Au télégraphe, porter une dépêche. » Elle la tenait d'une main et l'argent de l'autre. Il la lui prit en la tirant si fort que si elle ne l'avait pas lâché, il l'aurait déchiré. Et tout de suite, il l'ouvrit. Mais en voyant qu'elle était en anglais, il eut un mouvement de colère. « Tu sais que tu as à me parler tantôt, » dit-il. « Oui, monsieur. » Ce fut seulement à 3 heures qu'elle revit M. Vulfranc quand il la sonna pour partir. Plus d'une fois, elle s'était demandé qui remplacerait Guillaume. Sa surprise fut grande quand M. Vulfranc lui dit de prendre place à ses côtés, après avoir renvoyé le cocher qui avait amené Coco. « Puisque tu as bien conduit hier, « il n'y a pas de raison pour que tu ne conduises pas bien aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons à parler, et il vaut mieux pour cela que nous soyons seuls. » Ce fut seulement après être sortis du village, où sur leur passage se manifesta la même curiosité que la veille, et quand ils roulèrent doucement à travers les prairies où la fenaison était dans son plein, que M. Vulfranc, jusque-là silencieux, prit la parole au grand émoi de Perrine, qui eût bien voulu retarder encore le moment de cette explication, si grosse de danger pour elle semblait-il. « Tu m'as dit que M. Théodore et M. Talwell étaient venus dans ton bureau ?»« Oui, monsieur. Que te voulaient-ils ?» Elle hésita, le cœur serré. « Pourquoi hésites-tu ? Ne dois-tu pas tout me dire ?»« Oui, monsieur, je le dois, mais cela n'empêche pas que j'hésite. On ne doit jamais hésiter à faire son devoir. Si tu crois que tu dois te taire, tais-toi. Si tu crois que tu dois répondre à ma question, car je te questionne, Réponds. Je crois que je dois répondre. Je t'écoute. Elle raconta exactement ce qui s'était passé entre Théodore et elle, sans un mot de plus, sans un de moins. C'est bien tout ? Demanda M. Vulfranc lorsqu'elle fut arrivée au bout. Oui, monsieur, c'est tout. Et Talwell ? Elle recommença pour le directeur ce qu'elle avait fait pour le neveu, aussi fidèlement, en arrangeant seulement un peu ce qui avait rapport à la maladie de M. Vulfranc, de façon à ne pas répéter qu'une mauvaise nouvelle, trop brusquement annoncée, sans préparation, pouvait le tuer. Puis, après la première tentative de Talwell, elle dit ce qui s'était passé pour la dépêche, sans cacher le rendez-vous qui lui était assigné à la fin de la journée. Tout à son récit, elle avait laissé Coco prendre le pas, et le vieux cheval, abusant de cette liberté, se dandinait tranquillement, humant la bonne odeur du foin séché que la brise tiède lui soufflait aux naseaux, en même temps qu'elle apportait les coups de marteau du battement des faux qui lui rappelaient les premières années de sa vie, quand, n'ayant pas encore travaillé, il galopait à travers les prairies avec les juments et ses camarades les poulains, sans se douter alors qu'ils auraient à traîner un jour des voitures sur les routes poussiéreuses, à peiner, à souffrir les coups de fouet et les brutalités. Quand elle se tut, M. Vulfranc resta assez longtemps silencieux, et comme elle pouvait l'examiner sans qu'il sût qu'elle tenait les yeux attachés sur lui, elle vit que son visage trahissait une préoccupation douloureuse, faite, semble-t-il, d'autant de mécontentement que de tristesse. Enfin, il dit « Avant tout, je dois te rassurer. Sois certaine qu'il ne t'arrivera rien de mal pour tes paroles qui ne seront pas répétées, et que si jamais quelqu'un voulait se venger de la résistance que tu as honnêtement opposée à ses tentatives, je saurais te défendre. Au reste, je suis responsable de ce qui arrive. Je les pressentais, ces tentatives, quand je t'ai recommandé de ne pas parler de cette lettre qui devait éveiller certaines curiosités. Et dès lors, je n'aurais pas dû t'y exposer. À l'avenir, il n'en sera plus ainsi. À partir de demain, tu abandonneras le bureau de Bendit, où l'on peut aller te trouver, et tu occuperas dans mon cabinet la petite table sur laquelle tu as écrit ce matin la dépêche. Devant moi, on ne te questionnera pas, je pense. Mais comment on pourrait le tenter, en dehors des bureaux, chez Françoise ? À partir de ce soir, tu auras une chambre au château, et tu mangeras avec moi. Je prévois que je vais entretenir avec les Indes un échange de lettres et de dépêches que tu seras seul à connaître. Il faut que je prenne mes précautions pour qu'on ne cherche pas à t'arracher de force ou à te tirer adroitement des renseignements qui doivent rester secrets. Près de moi, tu seras défendu. De plus, ce sera ma réponse à ceux qui ont voulu te faire parler, aussi bien que ce sera un avertissement à ceux qui voudraient le tenter encore. Enfin, ce sera une récompense pour toi. » Perrine, qui avait commencé par trembler, s'était vite rassurée. Maintenant, elle était si violemment secouée par la joie qu'elle ne trouva pas un mot à répondre. « Ma confiance en toi m'est venue du courage que tu as montré dans la lutte contre la misère. Quand on est brave comme tu l'as été, on est honnête. Tu viens de me prouver que je ne me suis pas trompée et que je peux me fier à toi, comme si je te connaissais depuis 10 ans. Depuis que tu es ici, tu as dû entendre parler de moi avec envie. Être à la place de M. Vulfranc, être M. Vulfranc, quel bonheur ! La vérité est que la vie m'est dure, très dure, plus pénible, plus difficile que pour le plus misérable de mes ouvriers. » Quelle la fortune sans la santé qui permet d'en jouir, le plus lourd des fardeaux. Et celui qui charge mes épaules m'écrase. Tous les matins, je me dis que 7000 ouvriers vivent par moi, vivent de moi, pour qui je dois penser, travailler, et que si je leur manquais, ce serait un désastre. Pour tous, la misère, pour un grand nombre, la faim, la mort peut-être. Il faut que je marche pour eux, pour l'honneur de cette maison que j'ai créée, qui est ma joie, ma gloire, et je suis aveugle. » Une pause s'établit, et l'âpreté de cette plainte emplit de larmes les yeux de Perrine, mais bientôt M. Vulfranc reprit. « Tu devais savoir, par les conversations du village, et tu sais, par la lettre que tu as traduite, que j'ai un fils. Mais entre ce fils et moi, il y a eu, pour toutes sortes de raisons dont je ne veux pas parler, des dissentiments graves qui nous ont séparés, et qui, après son mariage conclu malgré mon opposition, ont amené une rupture complète, mais n'ont pas éteint mon affection pour lui, car je l'aime, après tant d'années d'absence, comme s'il était encore l'enfant que j'ai élevé, et quand je pense à lui, c'est-à-dire le jour et la nuit, si long pour moi, c'est le petit enfant que je vois de mes yeux sans regard. À son père, mon fils a préféré la femme qu'il aimait et qu'il avait épousée par un mariage nul. Au lieu de revenir près de moi, il a accepté de vivre près d'elle, parce que je ne pouvais ni ne devais la recevoir. J'espérais qu'il céderait. Il a dû croire que je céderais moi-même. mais nous avons le même caractère. Nous n'avons cédé ni l'un ni l'autre. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Après ma maladie, qu'il a certainement connue, car j'ai tout lieu de penser qu'on le tenait au courant de ce qui se passe ici, j'ai cru qu'il reviendrait. Il n'est pas revenu, retenu évidemment par cette femme maudite, qui, non contente de me l'avoir pris, me le garde, la misérable. » Perrine écoutait, suspendue aux lèvres de M. Bulfranc, ne respirant pas. À ce mot, elle interrompit. La lettre du père Fildes dit « Une jeune personne douée des plus charmantes qualités, l'intelligence, la bonté, la douceur, la tendresse de l'âme, la droiture du caractère, on ne parle pas ainsi d'une misérable. Ce que dit la lettre peut-il aller contre les faits? Et le fait capital qui m'a inspiré contre elle l'exaspération et la haine, c'est qu'elle me garde mon fils, au lieu de s'effacer comme il convient à une créature de son espèce, pour qu'il puisse retrouver et reprendre ici la vie qui doit être la sienne. Enfin, par elle, nous sommes séparés, et tu vois que malgré les recherches que j'ai faites entreprendre, je ne sais même pas où il est. Comme moi, tu vois les difficultés qui s'opposent à ces recherches. Ce qui complique ces difficultés, c'est une situation particulière que je dois t'expliquer, bien qu'elle soit sans doute peu claire pour une enfant de ton âge. Mais enfin, il faut que tu t'en rendes à peu près compte, puisque par la confiance que je mets en toi, tu vas m'aider dans ma tâche. La longue absence, la disparition de mon fils, notre rupture, le long temps qui s'est écoulé depuis les dernières nouvelles qu'on a reçues de lui, ont fatalement éveillé certaines espérances. Si mon fils n'était plus là pour prendre ma place quand je serais tout à fait incapable d'emporter les charges et pour hériter de ma fortune quand je mourrais, qui occuperait cette place? À qui cette fortune reviendrait-elle? Comprends-tu les espérances embusquées derrière ces questions? À peu près, monsieur. Cela suffit, et même j'aime autant que tu ne les comprennes pas tout à fait. Il y a donc près de moi, parmi ceux qui devraient me soutenir et m'aider, des personnes qui ont intérêt à ce que mon fils ne revienne pas, et qui, par cela seul, que cet intérêt trouble leur esprit, peuvent s'imaginer qu'il est mort. Mort, mon fils? Est-ce que cela est possible? Est-ce que Dieu m'aurait frappé d'un si effroyable malheur? Eux peuvent le croire, moi je ne peux pas. Que ferais-je en ce monde si Edmond était mort? C'est la loi de la nature que les enfants perdent leurs parents, non que les parents perdent leurs enfants. Enfin, j'ai 100 raisons meilleures les unes que les autres, qui prouvent l'insanité de ses espérances. Si Edmond avait péri dans un accident, je l'aurais su. Sa femme eût été la première à m'en avertir. Donc, Edmond n'est pas et ne peut pas être mort. Je serais un père 100 fois d'admettre le contraire. Perrine ne tenait plus ses yeux attachés sur M. Vulfranc, mais elle les avait détournés pour cacher son visage, comme s'il pouvait le voir. Les autres, qui n'ont pas cette foi, peuvent croire à cette mort, et cela explique leur curiosité, en même temps que les précautions que je prends pour que tout ce qui se rapporte à mes recherches reste secret. Je te le dis franchement. D'abord, pour que tu vois la tâche à laquelle je t'associe, rendre un fils à son père. Et je suis certain que tu as assez de cœur pour t'y employer fidèlement. Et puis je t'en parle encore, parce que ça a toujours été ma règle de vie d'aller droit à mon but, en disant franchement où je vais. Quelquefois les malins n'ont pas voulu me croire et ont supposé que je jouais aux fins. Ils en ont toujours été punis. On a déjà tenté de te circonvenir, on le tentera encore, cela est probable, et de différents côtés. Te voilà prévenu, c'est tout ce que je devais faire. Ils étaient arrivés en vue des cheminées de l'usine de Hercheux, de toute la plus éloignée de Maraucourt. Encore quelques tours de roue, ils entraient dans le village. Perrine, bouleversée, frémissante, cherchait des paroles pour répondre et ne trouvait rien, l'esprit paralysé par l'émotion, la gorge serrée, les lèvres sèches. « Et moi, s'écria-t-elle enfin, je dois vous dire que je suis à vous, monsieur, de tout cœur. » Chapitre 32. Le soir, la tournée des usines achevée, au lieu de revenir au bureau comme c'était la coutume, M. Vulfranc dit à Perrine de le conduire directement au château, et pour la première fois elle franchit la magnifique grille dorée, chef-d'œuvre de serrurerie, qu'un roi n'avait pu se donner à l'une des dernières expositions, racontait-on, mais que le riche industriel n'avait pas trouvé trop cher pour sa maison de campagne. Suis la grande allée circulaire, dit M. Vulfranc. Pour la première fois aussi, elle vit de près les massifs de fleurs que jusque-là elle n'avait aperçus que de loin, formant des taches rouges ou roses sur le velours foncé des gazons tendus ras. Habitué à faire ce chemin, Coco le montait d'un pas tranquille, et sans avoir besoin de le conduire, elle pouvait poser ses regards à droite et à gauche sur les corbeilles ou les plantes et les arbustes que leur beauté rendait dignes d'être isolés en belle vue. Car bien que leur maître ne pût plus les admirer comme naguère, rien n'avait été changé dans l'ordonnance des jardins, aussi soigneusement entretenus, aussi dispendieusement ornés qu'au temps où chaque matin et chaque soir, il les passait en revue avec fierté. De lui-même, Coco s'arrêta devant le large perron où un vieux domestique, prévenu par le coup de cloche du concierge, attendait. « Bastien, tu es là ?» demanda M. Villefranc sans descendre. « Oui, monsieur. Tu vas conduire cette jeune personne à la chambre des papillons qui sera la sienne, et tu veilleras à ce qu'on lui donne tout ce qui peut lui être nécessaire pour sa toilette. Tu mettras son couvert vis-à-vis le mien. En passant, envoie-moi Félix qu'il me conduise au bureau. » Perrine se demandait si elle était éveillée. « Nous dînerons à 8 heures, dit M. Villefranc. Jusque-là, tu es libre. » Elle descendit et suivit le vieux valet de chambre, marchant ébloui comme si elle était transportée dans un palais enchanté. Et réellement, le hall monumental, d'où partait un escalier majestueux, aux marches en marbre blanc, sur lesquelles un tapis traçait un chemin rouge, n'avait-il pas quelque chose d'un palais? À chaque palier, de belles fleurs étaient groupées avec des plantes à feuillage dans de vastes jardinières, et leur parfum embaumait l'air renfermé. Bastien la conduisit au second étage et sans entrer lui ouvrit une porte. « Je vais vous envoyer la femme de chambre, » dit-il en se retirant. Après avoir traversé une petite entrée sombre, elle se trouva dans une grande chambre, très claire, tendue d'étoffes de couleur ivoire, semée de papillons aux nuances vives qui voletaient légèrement. Les meubles étaient en érable moucheté et sur le tapis gris s'enlevaient vigoureusement des gerbes de fleurs des champs, pâquerettes, coquelicots, bleuets, boutons d'or. Que cela était frais et joli. Elle n'était pas revenue de son émerveillement et s'amusait encore à enfoncer son pied dans le tapis moelleux qui le repoussait quand la femme de chambre entra. « Bastien m'a dit de me mettre à la disposition de mademoiselle. » Une femme de chambre en toilette claire, coiffée d'un bonnet de tulle, aux ordres de celle qui quelques jours avant couchait dans une hutte, sur un lit de roseaux au milieu d'un marais, avec les rats et les grenouilles. Il lui fallut un certain temps pour se reconnaître. « Je vous remercie, » dit-elle enfin, « mais je n'ai besoin de rien, il me semble. »« Si mademoiselle veut bien, je vais toujours lui montrer son appartement. » Ce qu'elle appelait montrer l'appartement, c'était ouvrir les portes d'une armoire à glace et d'un placard, ainsi que les tiroirs d'une table de toilette, tout rempli de brosses, de ciseaux, de savons et de flacons. Cela fait, elle mit la main sur un bouton posé dans la tenture. « Celui-ci, dit-elle, est pour la sonnerie d'appel, celui-là pour l'éclairage. » Instantanément, la chambre, l'entrée et le cabinet de toilette s'éclairèrent d'une lumière éblouissante qui instantanément aussi s'éteignit. Et il sembla à Perrine qu'elle était encore dans les plaines des environs de Paris quand l'orage l'avait assaillie et que les éclairs fulgurants du ciel entr'ouvert lui montraient son chemin où le noyait d'ombre. « Quand mademoiselle aura besoin de moi, elle voudra bien me sonner. » Un coup pour Bastien, 2 coups pour moi. Mais ce dont mademoiselle avait besoin, c'était d'être seule, autant pour passer la visite de sa chambre que pour se ressaisir, ayant été jetée hors d'elle-même par tout ce qui lui était arrivé depuis le matin. Que d'événements, que de surprises en quelques heures, et qui lui eût dit le matin, quand sous les menaces de Théodore et de Talouel, elle se voyait en si grand danger, que le vent, au contraire, allait si favorablement tourner pour elle. N'y avait-il pas de quoi rire, de penser que c'était leur hostilité même qui faisait sa fortune? Mais combien plus encore eût-elle ri si elle avait pu voir la tête du directeur en recevant M. Villefranc au bas de l'escalier des bureaux? « Je suppose que cette jeune personne a fait quelque sottise, » dit Talouel. « Mais non. Pourtant, vous vous faites ramener par Félix. C'est qu'en passant, je l'ai déposée au château afin qu'elle ait le temps de se préparer pour le dîner. » « Dîner ?» Je suppose... Il était tellement suffoqué qu'il ne trouva pas tout de suite ce qu'il devait supposer. Je suppose, moi, dit M. Villefranc, que vous ne savez que supposer. Je suppose que vous la faites dîner avec vous? Parfaitement. Depuis longtemps, je voulais avoir près de moi quelqu'un d'intelligent, de discret, de fidèle, en qui je pourrais avoir confiance. Justement, cette petite fille me paraît réunir ses qualités. Intelligente elle l'est, j'en suis sûre. Discrète et fidèle, elle l'est aussi, j'en ai la preuve. » Cela fut dit sans appuyer, mais cependant de façon que Talouel ne put se méprendre sur le sens de ses paroles. « Je la prends donc, et comme je ne veux pas qu'elle reste exposée à certains dangers, non pour elle, car j'ai la certitude qu'elle n'y succomberait pas, mais pour les autres, ce qui m'obligerait à me séparer de ces autres. » Il appuya sur ce mot, quels qu'ils fussent. « Elle ne me quittera plus. Ici, elle travaillera dans mon cabinet. Pendant le jour, elle m'accompagnera. Elle mangera à ma table, ce qui rendra moins triste mes repas qu'elle égayera de son babil, et elle habitera le château. » Talouel avait eu le temps de retrouver son calme, mais comme il n'était ni dans son caractère, ni dans sa ligne de conduite de faire formellement la plus légère opposition aux idées du patron, il dit « Je suppose qu'elle vous donnera toutes les satisfactions que très justement, il me semble, vous pouvez attendre d'elle. » « Je le suppose aussi. » Pendant ce temps, Perrine, accoudée au balcon de sa fenêtre, rêvait en regardant la vue qui se déroulait devant elle. Les pelouses fleuries du jardin, les usines, le village avec ses maisons et l'église, les prairies, les entailles dont l'eau argentée miroitait sous les rayons obliques du soleil qui s'abaissait, et vis-à-vis de l'autre côté, le bouquet de bois où elle s'était assise le jour de son arrivée, et où, dans la brise du soir, elle avait entendu passer la douce voix de sa mère qui murmurait « Je te vois heureuse ». Elle avait pressenti l'avenir, la chère maman, et les grandes marguerites, traduisant l'oracle qu'elle leur dictait, avait aussi dit vrai. Heureuse, elle commençait à l'être. Et si elle n'avait pas encore réussi tout à fait, ni même beaucoup, au moins devait-elle reconnaître qu'elle était en passe de réussir plus qu'un peu. Qu'elle fût patiente, qu'elle sût attendre, et le reste viendrait à son heure. Qui la pressait maintenant? Ni la misère, ni le besoin dans ce château où elle était entrée si vite. Quand le sifflet des usines annonça la sortie, elle était encore à son balcon, planant dans sa rêverie, et ce furent ses coups stridents qui la ramenèrent de l'avenir dans la réalité présente. Alors, du haut de l'observatoire, d'où elle dominait les rues du village et les routes blanches, à travers les prairies vertes et les champs jaunes, elle vit se répandre la fourmilière noire des ouvriers, qui, grouillant d'abord en un gros amas compact, ne tarda pas à se diviser en plusieurs courants, à se morceler à l'infini, et à ne former bientôt plus que des petits groupes qui eux-mêmes s'évanouirent promptement. La cloche du concierge sonna et la voiture de M. Vulfranc monta l'allée circulaire au pas tranquille du vieux Coco. Cependant, elle ne quitta pas encore sa chambre, mais comme il le lui avait recommandé, elle fit sa toilette en se livrant à une véritable débauche d'eau de Cologne aussi bien que de savon. Un bon savon onctueux, mousseux, tout parfumé de fines odeurs. Et ce fut seulement quand la pendule placée sur sa cheminée sonna 8 heures qu'elle descendit. Elle se demandait comment elle trouverait la salle à manger, mais elle n'eut pas à la chercher. Un domestique en habit noir qui se tenait dans le hall la conduisit. Presque aussitôt, M. Vulfranc entra. Personne ne le conduisait. Elle remarqua qu'il suivait un chemin en coutil posé sur le tapis, ce qui permettait à ses pieds de le guider et de remplacer ses yeux. Une corbeille d'orchidées, au parfum suave, occupait le milieu de la table, couverte d'une lourde argenterie ciselée et de cristaux taillés dont les facettes reflétaient les éclairs de la lumière électrique qui tombait du lustre. Un moment, elle se tint debout derrière sa chaise, ne sachant trop ce qu'elle devait faire. Heureusement, M. Vulfranc lui vint en aide. « Assieds-toi !» Aussitôt, le service commença et le domestique qui l'avait amené posa une assiette de potage devant elle, tandis que Bastien en apportait une autre à son maître, celle-là pleine jusqu'au bord. Elle eut dîné seule avec M. Vulfranc, qu'elle se fut trouvée à son aise, mais sous les regards curieux, quoique dignes, des deux valets de chambre qu'elle sentait ramasser sur elle, pour voir sans doute comment mangeait une petite bête de son espèce, elle se sentait intimidée, et cet examen n'était pas sans la gêner un peu dans ses mouvements. Cependant, elle eut la chance de ne pas commettre de maladresse. « Depuis ma maladie, dit M. Vulfranc, j'ai l'habitude de manger 2 soupes, ce qui est plus commode pour moi. Mais tu n'es pas tenu, toi qui vaux clair, d'en faire autant. J'ai été si longtemps privé de soupe que j'en mangerai bien 2 fois aussi. Mais ce ne fut pas une assiette du même potage qu'on leur servit. Ce fut une nouvelle soupe, aux choux celle-là, avec des carottes et des pommes de terre, aussi simple que celle d'un paysan. Au reste, le dîner garda en tout, excepté pour le dessert, cette simplicité se composant d'un gigot avec des petits pois et d'une salade, mais pour le dessert, il comprenait 4 assiettes à pied, avec des gâteaux et 4 compotiers chargés de fruits admirables, dignes par leur grosseur et leur beauté, des fleurs du surtout. Demain, tu iras, si tu le veux, visiter les serres qui ont produit ces fruits, dit M. Vulfranc. Elle avait commencé par se servir discrètement quelques cerises, mais M. Vulfranc voulut qu'elle prît aussi des abricots, des pêches et du raisin. À ton âge, j'aurais mangé tous les fruits qui sont sur la table, si on me les avait offerts. Alors Bastien, bien disposé par cette parole, voulut mettre sur l'assiette de cette petite bête, comme il l'eût fait pour un singe savant, un abricot et une pêche qu'il choisit avec la compétence d'un connaisseur, quittant pour cela la place qu'il occupait derrière la chaise de M. Vulfranc. Malgré les fruits, Perrine fut bien aise de voir le dîner prendre fin. Plus l'épreuve serait courte, mieux cela vaudrait. Le lendemain, la curiosité satisfaite des domestiques la laisserait tranquille, sans doute. « Maintenant, tu es libre jusqu'à demain matin, » dit M. Vulfranc en se levant de table. « Tu peux te promener dans le jardin au clair de la lune, lire dans la bibliothèque ou emporter un livre dans ta chambre. » Elle était embarrassée, se demandant si elle ne devait pas proposer à M. Vulfranc de se tenir à sa disposition. Comme elle restait hésitante, elle vit Bastien lui faire des signes silencieux que tout d'abord elle ne comprit pas. De la main gauche, il paraissait tenir un livre qu'il feuilletait de la droite, puis s'interrompant, il montrait M. Vulfranc en remuant les lèvres avec une physionomie animée. Tout à coup, elle crut qu'il lui expliquait qu'elle devait demander à M. Vulfranc de lui faire la lecture. Mais comme elle avait déjà eu cette idée, elle eut peur de traduire la sienne plutôt que celle de Bastien. Cependant, elle se risqua. « Mais n'avez-vous pas besoin de moi, monsieur? Ne voulez-vous pas que je vous fasse la lecture ?» Elle eut la satisfaction de voir Bastien l'applaudir par de grands mouvements de tête. Elle avait deviné, c'était bien cela qu'elle devait dire. « Il convient que quand on travaille, on ait ses heures de liberté, » répondit M. Vulfranc. « Je vous assure que je ne suis pas fatigué du tout. »« Alors, » dit-il, « suis-moi dans mon cabinet. » C'était une vaste pièce sombre qu'un vestibule séparait de la salle à manger et à laquelle conduisait un chemin en toile qui permettait à M. Vulfranc de marcher franchement puisqu'il ne pouvait s'égarer et qu'il avait dans la tête comme dans les jambes le juste sentiment des distances. Perrine s'était plus d'une fois demandé à quoi M. Vulfranc passait son temps lorsqu'il était seul puisqu'il ne pouvait pas lire. Mais cette pièce, lorsqu'il eut pressé un bouton d'éclairage, ne répondit en rien à cette question. Pour meuble, une grande table chargée de papier, des cartonniers, des sièges, et c'était tout. Devant une fenêtre, un grand fauteuil Voltaire, mais sans rien autour. Cependant, l'usure de la tapisserie qui le recouvrait semblait indiquer que M. Vulfranc devait y rester assis pendant de longues heures, en face du ciel dont il ne voyait même pas les nuages. « Que me lirais-tu bien ? » demanda-t-il. Des journaux étaient sur la table, enveloppés de leurs bandes multicolores. « Un journal, si vous voulez. » « Moins on donne de temps aux journaux, mieux cela vaut. » Elle n'avait rien à répondre, n'ayant dit cela que pour proposer quelque chose. « Aimes-tu les livres de voyage ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. » « Moi aussi. Ils amusent l'esprit en le faisant travailler. » Puis, comme s'il se parlait à lui-même, sans qu'elle fût là pour l'entendre, « sortir de soi, vivre d'autre vie que la sienne. » Mais après un moment de silence, revenant à elle, « Allons dans la bibliothèque, » dit-il. Elle communiquait avec le cabinet. Il n'eut qu'une porte à ouvrir et pour l'éclairer qu'un bouton à pousser. Mais comme une seule lampe s'alluma, la grande salle aux armoires de bois noir resta dans l'ombre. « Connais-tu le tour du monde ? » demanda-t-il. « Non, monsieur. » « Eh bien, nous trouverons dans la table alphabétique des indications qui nous guideront. » Il la conduisit à l'armoire qui contenait cette table et lui dit de la chercher, ce qui demanda un certain temps. À la fin, cependant, elle mit la main dessus. « Que dois-je chercher ? » dit-elle. « Ah, I, le mot Inde. » Ainsi, il suivait toujours sa pensée et n'avait nullement l'idée de vivre la vie des autres comme il avait semblé t'en exprimer le désir, car ce qu'il voulait certainement, c'était vivre celle de son fils en lisant la description des pays où il le faisait rechercher. « Que vois-tu ? Dis-moi. » « L'Inde des Rajas voyage dans les royaumes de l'Inde centrale et dans la présidence du Bengale 1871-2, 209 à 288. Cela veut dire que dans le deuxième volume de 1871, à la page 209, nous trouverons le commencement de ce voyage. Prends ce volume et rentrons dans mon cabinet. Mais quand elle eut atteint ce volume sur une planche basse, au lieu de se relever, elle resta à regarder un portrait placé au-dessus de la cheminée que ses yeux, qui peu à peu étaient habitués à la demi-obscurité, venaient d'apercevoir. « Qu'as-tu ? » demanda-t-il. Franchement, elle répondit, mais d'une voix émue. « Je regarde le portrait placé au-dessus de la cheminée. » « C'est celui de mon fils à 20 ans. Mais tu dois bien mal le voir. Je vais l'éclairer. » Allant à la boiserie, il pressa un bouton et un foyer de petites lampes, placé au haut du cadre et en avant du portrait, l'inonda de lumière. Perrine, qui s'était relevée pour se rapprocher de quelques pas, poussa un cri et laissa tomber le volume du Tour du Monde. « Qu'as-tu donc ? » dit-il. Mais elle ne pensa pas à répondre et resta les yeux attachés sur le jeune homme blond, vêtu d'un costume de chasse en velours vert, coiffé d'une casquette haute à large visière, appuyé d'une main sur un fusil et de l'autre flattant la tête d'un épagneul noir qui venait de jaillir du mur comme une apparition vivante. Elle était frémissante de la tête aux pieds et un flot de larmes coulait sur son visage sans qu'elle eût l'idée de les retenir, emportée, abîmée dans sa contemplation. Ce furent ces larmes qui, dans le silence qu'elle gardait, trahirent son émoi. « Pourquoi pleures-tu ? » Il fallait qu'elle répondît. Par un effort suprême, elle tâcha de se rendre maîtresse de ses paroles, mais en les entendant, elle sentit toute leur incohérence. « C'est ce portrait, votre fils, vous, son père. » Il resta un moment ne comprenant pas, attendant, puis avec un accent que la compassion attendrissait. « Et tu as pensé au tien ?»« Oui, monsieur, oui, oui, monsieur. » »« Pauvre petite. » Chapitre 33. Quelle surprise le lendemain matin, quand en entrant dans le cabinet de leur oncle pour le dépouillement du courrier, les deux neveux, toujours en retard, virent Perrine installée à sa table comme si elle ne devait pas en démarrer. Talwell s'était bien gardé de les prévenir, mais ils s'étaient arrangés de façon à se trouver là quand ils arriveraient et à se payer leur tête. Elle fut tout à fait drôle et parla réjouissante pour lui, car s'il était furieux de l'intrusion de cette mendiante qui, du jour au lendemain, sans protection, sans rien pour elle, s'imposait à la faiblesse sénile d'un vieillard, au moins était-ce une compensation de voir que les neveux éprouvaient une fureur égale à la sienne. Qu'ils étaient donc amusants en jetant sur elle des regards impatients, dans lesquels il y avait autant de colère que de surprise. Évidemment, ils ne comprenaient rien à sa présence dans ce cabinet sacré, où eux-mêmes ne restaient que juste le temps nécessaire pour écouter les explications que leur oncle avait à leur donner, ou pour rapporter les affaires dont ils étaient chargés. Et les coups d'œil qu'ils échangeaient, en se consultant sans oser prendre un parti, sans même oser risquer une observation ou une question, le faisaient rire sans qu'il prît la peine de leur cacher sa satisfaction et sa moquerie. Car si une guerre ouverte n'était pas déclarée entre eux, il y avait beau jour qu'ils savaient à quoi s'en tenir les uns et les autres sur leurs sentiments réciproques nés des secrètes espérances que chacun nourrissait de son côté. Talwell contre les neveux contre Talwell, ceux-ci l'un contre l'autre. Ordinairement, Talwell se contentait de leur marquer son hostilité par des sourires ironiques ou des silences méprisants sous une forme de politesse humble, mais ce jour-là, il ne put pas résister à l'envie de leur jouer une comédie de sa façon qui lui donnerait quelques instants d'agrément. Ah, il le prenait de haut avec lui parce qu'il se croyait tous les droits en vertu de leur naissance, neveu bien au-dessus de directeur, l'un parce qu'il était fils d'un frère, l'autre fils d'une sœur du patron, tandis que lui, qui n'était que fils de ses œuvres, avait travaillé au succès de la glorieuse maison qui, pour une part, une grosse part, était sienne. Eh bien, ils allaient voir. Ah ah! Il sortit avec eux, et bien qu'ils parussent pressés de rentrer dans leur bureau pour se communiquer leurs impressions et sans doute voir ce qu'ils avaient à faire contre l'intruse, d'un signe auquel ils obéirent, ce qui était déjà un triomphe, il les emmena sous sa véranda, d'où le bruit des voix contenues ne pouvait pas arriver jusqu'au bureau de M. Vulfranc. « Vous avez été étonné de voir cette petite installée dans le bureau du patron » dit-il. Ils ne crurent pas devoir répondre, ne pouvant pas plus reconnaître leur étonnement que le nier. « Je l'ai bien vue, » dit-il en appuyant. « Si vous n'étiez pas arrivé en retard ce matin, j'aurais pu vous prévenir pour que vous vous tinssiez mieux. » Ainsi, il leur donnait une double leçon. La première, en constatant qu'ils étaient en retard, la seconde, en leur disant lui qui n'avait passé ni par l'école polytechnique ni par les collèges, que leur tenue avait manqué de correction. Peut-être la leçon était-elle un peu grossière, mais son éducation l'autorisait à n'en pas chercher une plus fine. D'ailleurs, les circonstances lui permettaient de ne pas se gêner avec eux. Quoi qu'il dît, il l'écouterait, et il en usait. Il continua. « Hier, M. Vulfranc m'a averti qu'il installait cette petite au château et que désormais elle travaillerait dans son cabinet. « Mais quelle est cette petite ?»« Je vous le demande, moi je ne sais pas. M. Vulfranc non plus, je crois bien. » « Alors ?»« Alors il m'a expliqué que depuis longtemps, il voulait avoir près de lui quelqu'un d'intelligent, de discret, de fidèle, en qui il pourrait avoir pleine confiance. « Ne nous a-t-il pas ?» interrompit Casimir. « C'est justement ce que je lui ai dit. N'avez-vous pas M. Casimir, M. Théodore ?»« M. Casimir, un élève de l'école polytechnique où il a tout appris, en théorie s'entend, qui pour l'X ne craint personne, enfin qui vous est si attaché. M. Théodore, qui connaît la vie et le commerce, pour avoir passé ses premières années auprès de ses parents, dans des difficultés qui pour sûr l'ont formé, et qui d'autre part a pour vous tant d'affection. Est-ce que tous deux ne sont pas intelligents, discrets ?» Fidèles, et ne pouvez-vous pas avoir toute confiance en eux? Est-ce qu'ils pensent à autre chose qu'à vous soulager, vous aider, vous débarrasser du tracas des affaires, en bons neveux, bien affectueux, bien reconnaissants qu'ils sont, et bien unis, unis comme de vrais frères qui n'ont qu'un même cœur, parce qu'ils n'ont qu'un même but? Malgré l'envie qu'il en avait, il n'appuyait pas sur chaque mot caractéristique, mais au moins en soulignait-il l'ironie par un sourire gouailleur, qu'il adressait à Théodore quand il parlait de la supériorité de Casimir dans la science de l'X, et à Casimir quand il glissait sur les difficultés commerciales de la famille de Théodore, à tous les deux quand il insistait sur leur fraternité de cœur qui n'avait qu'un même but. « Savez-vous ce qu'il me répondit ? » continua-t-il. Il eut bien voulu faire une pause, mais de peur qu'il ne tournasse le dos avant qu'il eût tout dit, vivement il continua. « Il me répondit, « Oh, mes neveux !» Qu'est-ce que cela voulait dire? Vous pensez bien que je ne me suis pas permis de le chercher. Je vous le répète, simplement. Et tout de suite, j'ajoute ce qu'il me dit encore pour expliquer sa détermination de la prendre au château et de l'installer dans son bureau, que c'était parce qu'il ne voulait pas qu'elle restât exposée à certains dangers, non pour elle, car il avait la certitude qu'elle n'y succomberait pas, mais pour les autres, ce qui l'obligerait à se séparer de ces autres, quels qu'ils fussent. Je vous donne ma parole que je vous répète ce qu'il m'a dit mot pour mot. Maintenant, quels sont ces autres? Je vous le demande. » Comme il ne répondait pas, il insista. « À qui a-t-il voulu faire allusion? Où voit-il des autres qui pourraient faire courir des dangers à cette petite? Quel danger? Toute question incompréhensible, mais que justement pour cela j'ai cru devoir vous soumettre à vous, messieurs, qui, en l'absence de M. Edmond, vous trouvez placé par votre naissance à la tête de cette maison. » Il avait assez joué avec eux comme le chat avec la souris. Pourtant, il crut pouvoir une fois encore les faire sauter en l'air d'un vigoureux coup de patte. « Il est vrai que M. Edmond peut revenir d'un moment à l'autre, demain peut-être, au moins si l'on s'en rapporte à toutes les recherches que M. Vulfranc fait faire, fiévreusement, comme s'il brûlait sur une bonne piste. « Savez-vous donc quelque chose ?» demanda Théodore, qui n'eut pas la dignité de retenir sa curiosité. « Rien autre chose que ce que je vois ?» C'est-à-dire que M. Vulfranc ne prend cette petite que pour lui traduire les lettres et les dépêches qu'il reçoit des Indes. Puis, avec une bonhomie affectée, « C'est tout de même malheureux que vous, M. Casimir, qui avez tout appris, vous ne sachiez pas l'anglais. Ça vous tiendrait au courant de ce qui se passe, sans compter que ça vous débarrasserait de cette petite qui est en train de prendre au château une place à laquelle elle n'a pas droit. Il est vrai que vous trouverez peut-être un autre moyen, et meilleur que celui-ci pour en arriver là. » « Si je peux vous aider, vous savez que vous pouvez compter sur moi, sans paraître en rien, bien entendu. » Tout en parlant, il jetait de temps en temps, et à la dérobée, un rapide coup d'œil dans les cours, plutôt par force d'habitude que par besoin immédiat. À ce moment, il vit venir le facteur du télégraphe, qui, sans se presser, musait à droite et à gauche. « Justement, dit-il, voilà qu'arrive une dépêche qui est peut-être la réponse à celle qui a été envoyée à Dakar. C'est tout de même ennuyeux pour vous. » Que vous ne puissiez pas savoir ce qu'elle contient, de façon à être les premiers à annoncer au patron le retour de son fils. Quelle joie, hein? Moi, mes lampions sont prêts pour illuminer. Mais voilà, vous ne savez pas l'anglais, et cette petite le sait, elle. Quelque regret qu'il eût à mettre un pas devant l'autre, le porteur de dépêche était enfin arrivé au bas de l'escalier. Vivement Allouel alla au-devant de lui. « Eh bien, tu sais, toi, tu ne t'amènes pas trop vite, » dit-il. « Faut-il s'en faire mourir ?» Sans répondre, Allouel prit la dépêche et la porta à M. Vulfranc avec un empressement bruyant. « Voulez-vous que je l'ouvre ? » demanda-t-il. « Parfaitement. » Mais il n'eut pas déchiré le papier dans la ligne pointillée qu'il s'écria. « Elle est en anglais. »« Alors, c'est l'affaire d'Aurélie, » dit M. Vulfranc avec un geste auquel le directeur ne pouvait pas ne pas obéir. Aussitôt que la porte fut refermée, elle traduisit la dépêche. « L'ami, Le Serre, négociant français, dernière nouvelle 5 ans. Déra, révérend père Macernès, lui écrit selon votre désir. »« 5 ans ? » s'écria M. Vulfranc qui tout d'abord ne fut sensible qu'à cette indication. « Que s'est-il passé depuis cette époque ? Et comment suivre une piste après 5 années écoulées ?» Mais il n'était pas homme à se perdre dans des plaintes inutiles, ce fut ce qu'il expliqua lui-même. « Les regrets n'ont jamais changé les faits accomplis. Tirons parti plutôt de ce que nous avons. Tu vas tout de suite faire une dépêche en français pour ce monsieur Lasserre, puisqu'il est français, et une en anglais pour le père Macernès. » Elle écrivit couramment la dépêche qu'elle devait traduire en anglais, mais pour celle qui devait être déposée en français au télégraphe, elle s'arrêta dès la première ligne et demanda la permission d'aller chercher un dictionnaire dans le bureau de Bendit. « Tu n'es pas sûr de ton orthographe ?»« Oh, pas du tout sûr, monsieur. Et je voudrais bien qu'au bureau, on ne puisse pas se moquer d'une dépêche envoyée par vous. »« Alors, tu n'es pas en état d'écrire une lettre sans faute ?»« Je suis sûr de l'écrire avec beaucoup de fautes. Le commencement des mots va à peu près, mais pas la fin. Quand il y a des accords, et puis les doubles lettres ne vont pas du tout non plus, et beaucoup d'autres choses encore, bien plus facile à écrire l'anglais que le français. J'aime mieux vous avouer cela tout de suite, franchement. » « Tu n'as jamais été à l'école ?»« Jamais. Je ne sais que ce que mon père et ma mère m'ont appris, au hasard des routes, quand on avait le temps de s'asseoir ou qu'on restait au repos dans un pays, alors ils me faisaient travailler. Mais pour dire vrai, je n'ai jamais beaucoup travaillé. » « Tu es une bonne fille de me parler franchement. Nous verrons à remédier cela. Pour le moment, occupons-nous de ce que nous avons à faire. » Ce fut seulement dans l'après-midi, en voiture, quand ils firent la visite des usines, que M. Vulfranc revint à la question de l'orthographe. « As-tu écrit à tes parents ?»« Non, monsieur. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne désire rien tant que rester ici à jamais, près de vous qui me traitez avec tant de bonté et me faites une vie si heureuse. » « Alors tu désires ne pas me quitter. Je voudrais vous prouver chaque jour, pour tout, dans tout, ce qu'il y a de reconnaissance dans mon cœur et aussi d'autres sentiments respectueux que je n'ose exprimer. Puisqu'il en est ainsi, le mieux est peut-être en effet que tu n'écrives pas, au moins pour le moment. Nous verrons plus tard. Mais, afin que tu puisses m'être utile, il faut que tu travailles et te mettes en état de me servir de secrétaire pour beaucoup d'affaires, dans lesquels tu dois écrire convenablement puisque tu écris en mon nom. D'autre part, il est convenable aussi pour toi. Il est bon que tu t'instruises. Le veux-tu ? Je suis prête à tout ce que vous voudrez, et je vous assure que je n'ai pas peur de travailler. S'il en est ainsi, les choses peuvent s'arranger sans que je me prive de tes services. Nous avons ici une excellente institutrice. En rentrant, je lui demanderai de te donner des leçons quand sa classe est finie, de 6 à 8 heures, au moment où je n'ai plus besoin de toi. « C'est une très bonne personne qui n'a que 2 défauts. Sa taille, elle est plus grande que moi et plus large d'épaules, plus massive bien qu'elle n'ait pas 40 ans. Mademoiselle Bellhomme, qui crie d'une façon fâcheuse ce qu'elle est réellement. Un bel homme sans barbe, et encore, n'est-il pas certain qu'on ne lui en trouverait point en regardant bien. Pourvue d'une instruction supérieure, elle a commencé par des éducations particulières, mais sa prestance d'ogre faisait peur aux petites filles, tandis que son nom faisait rire les mamans et les grandes sœurs. Alors elle a renoncé au monde des villes et bravement elle est entrée dans l'instruction primaire où elle a beaucoup réussi. Ses classes tiennent la tête parmi celles de notre département. Ses chefs la considèrent comme une institutrice modèle. Je ne ferai pas venir Damien une meilleure maîtresse pour toi. » La tournée des usines terminée, la voiture s'arrêta devant l'école primaire des filles et Mademoiselle Bellhomme accourut auprès de M. Vulfranc, mais il tint à descendre et à entrer chez elle pour lui exposer sa demande. Alors Perrine, qui les suivit, put l'examiner. C'était bien la femme géante dont M. Vulfranc avait parlé, imposante, mais avec un mélange de dignité et de bonté qui n'aurait nullement donné envie de se moquer d'elle si elle n'avait pas eu un air craintif en désaccord avec sa prestance. Bien entendu, elle n'avait rien à refuser au tout-puissant maître de Maraucourt, mais eût-elle eu des empêchements qu'elle s'en serait dégagée, car elle avait la passion de l'enseignement qui, à vrai dire, était son seul plaisir dans la vie, et puis d'autre part, cette petite aux yeux profonds lui plaisait. Nous en ferons une fille instruite, dit-elle, cela est certain. Savez-vous qu'elle a des yeux de gazelle? Il est vrai que je n'ai jamais vu des gazelles, et pourtant, je suis sûre qu'elles ont ces yeux-là. Mais ce fut bien autre chose le surlendemain, quand, après 2 jours de leçons, elle put se rendre compte de ce qu'était la gazelle et que M. Vulfranc, en rentrant au château au moment du dîner, lui demanda ce qu'elle en pensait. Quelle catastrophe c'eût été! Mademoiselle Bellomme employait volontiers des mots grands et forts comme elle. Quelle catastrophe c'eût été que cette jeune fille restât sans culture! Intelligente, n'est-ce pas? Intelligente? Dites intelligentissime, si j'ose m'exprimer ainsi. L'écriture? Demanda M. Vulfranc qui dirigeait son interrogatoire d'après les besoins qu'il avait de Perrine. Pas brillante, mais elle se formera. Et l'orthographe? Faible, hein? Alors? J'aurais pu, pour la juger, lui faire une dictée qui m'aurait montré précisément son écriture et son orthographe. J'ai voulu prendre d'elle une meilleure opinion, et je lui ai demandé une petite narration sur Maraucourt. En 20 lignes ou 100 lignes, me dire ce qu'était le pays, comment elle le voyait. En moins d'une heure, au courant de la plume, sans chercher ses mots, elle m'a écrit 4 grandes pages vraiment extraordinaires. Tout s'y trouve réuni, le village lui-même, les usines, le paysage général, l'ensemble aussi bien que le détail. Il y a 1 page sur les entailles avec leur végétation, leurs oiseaux et leurs poissons, leur aspect dans les vapeurs du matin et l'air pur du soir, que j'aurais cru copier dans un bon auteur si je ne l'avais vu écrire. Par malheur, la calligraphie et l'orthographe sont ce que je vous ai dit, mais qu'importe, c'est une affaire de 2 mois de leçons, tandis que toutes les leçons du monde ne lui apprendraient pas à écrire si elle n'avait pas reçu le don de voir et de sentir, et aussi de rendre ce qu'elle voit et ce qu'elle sent. Si vous en avez le loisir, faites-vous lire cette page sur les entailles, elle vous prouvera que je n'exagère pas. » Alors, M. Vulfranc, que cette appréciation avait mis en belle humeur, car elle calmait les objections qui lui étaient venues sur son prompt engouement pour cette petite, raconta à Mademoiselle Bellomme comment Perrine avait habité une aumuche dans l'une de ses entailles, et comment, avec rien, si ce n'est ce qu'elle trouvait sous sa main, elle avait su se fabriquer des espadrilles et toute une batterie de cuisine dans laquelle elle avait préparé un dîner complet, fourni par l'entaille elle-même, ses oiseaux, ses poissons, ses fleurs, ses herbes, ses fruits. Le large visage de Mademoiselle Bellomme s'était épanoui pendant ce récit, qui sans aucun doute l'intéressait, puis quand M. Vulfranc avait cessé de parler, elle avait gardé elle-même le silence, réfléchissant. « Ne trouvez-vous pas, dit-elle enfin, que savoir créer ce qui est nécessaire à ses besoins est une qualité maîtresse, enviable entre toutes ?»« Assurément, et c'est cela même qui m'a tout d'abord frappé chez cette jeune fille, cela est la volonté. Dites-lui de vous conter son histoire. Vous verrez ce qu'il lui a fallu d'énergie pour arriver jusqu'ici. » Elle a reçu sa récompense puisqu'elle vous a intéressé, cette jeune fille. Intéressée et même attachée, car je n'estime rien tant dans la vie que la volonté à qui je dois d'être ce que je suis. C'est pourquoi je vous demande de la fortifier chez elle par vos leçons, car si l'on dit avec raison qu'on peut ce qu'on veut, au moins est-ce à condition de savoir vouloir, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et ce qu'on devrait bien commencer par enseigner, si toutefois il est des méthodes pour cela. Mais en fait d'instruction, on ne s'occupe que de l'esprit, comme si le caractère ne devait point passer avant. Enfin, puisque vous avez une élève douée de ce côté, je vous prie de vous appliquer à le développer. » Mademoiselle Bellomme était aussi incapable de dire une chose par flatterie que de la taire par timidité ou embarras. « L'exemple fait plus que les leçons, dit-elle. C'est pourquoi elle apprendra à votre école mieux qu'à la mienne, et en voyant que malgré la maladie, les années, la fortune, vous ne vous relâchez pas 1 minute dans ce que vous considérez comme l'accomplissement d'un devoir, son caractère se développera dans le sens que vous désirez. En tout cas, je ne manquerai pas de m'y employer, si elle passait insensible ou indifférente, ce qui m'étonnerait bien, à côté de ce qui doit la frapper. » Et comme elle était femme de parole, elle ne manqua pas en effet une occasion de citer M. Vulfranc, ce qui l'amenait à parler de lui-même pour ce qui n'était pas rigoureusement indispensable à sa leçon, entraînée bien souvent, sans s'en apercevoir, par les adroites questions de Perrine. Assurément, elle s'appliqua à écouter Mademoiselle Bellhomme sans distraction, même quand il fallait la suivre dans l'explication des règles de l'accord des adjectifs considérés dans leur rapport avec les substantifs, ou celle du participe passé dans les verbes actifs, passifs, neutres, pronominaux, soit essentiels, soit accidentels, et dans les verbes impersonnels. Mais combien plus encore ses yeux de gazelle trahissaient-ils d'intérêt quand elle pouvait amener l'entretien sur M. Vulfranc, et particulièrement sur certains points inconnus d'elle ou mal connus par les histoires de Rosalie, qui n'étaient jamais très précises, ou par les propos de Fabry et de Montbleu, énigmatiques à dessein, avec les lacunes, les sous-entendus de gens qui parlent pour eux, non pour ceux qui peuvent les écouter, et même avec le souci que ceux-là ne les comprennent point. Plusieurs fois, elle avait demandé à Rosalie ce qu'avait été la maladie de M. Vulfranc et comment il était devenu aveugle, mais sans jamais en tirer que des réponses vagues. Au contraire, avec Mademoiselle Bellhomme, elle eut tous les détails sur la maladie elle-même et sur la cécité qui, disait-on, pouvait n'être pas incurable, mais qui ne serait guérie, si on la guérissait, que dans certaines conditions particulières qui assureraient le succès de l'opération. Comme tout le monde à Maraucourt, Mademoiselle Bellhomme s'était préoccupée de la santé de M. Vulfranc et elle en avait assez souvent parlé avec le docteur Ruchon pour être en état de satisfaire la curiosité de Perrine d'une façon autrement compétente que Rosalie. C'était d'une cataracte double que M. Vulfranc était atteint. Mais cette cataracte ne paraissait pas incurable et la vue pouvait être recouvrée par une opération. Si cette opération n'avait pas encore été tentée, c'était parce que sa santé générale ne l'avait pas permis. En effet, il souffrait d'une bronchite invétérée qui se compliquait de congestions pulmonaires répétées et qu'accompagnaient des étouffements, des palpitations, des mauvaises digestions, un sommeil agité. Pour que l'opération devint possible, il fallait commencer par guérir la bronchite et d'autre part, il fallait que tous les autres accidents disparussent. Or, M. Vulfranc était un détestable malade qui commettait imprudence sur imprudence et se refusait à suivre exactement les prescriptions du médecin. À la vérité, cela ne lui était pas toujours facile. Comment pouvait-il rester calme ainsi que le recommandait M. Ruchon quand la disparition de son fils et les recherches qu'il faisait faire à ce sujet le jetaient à chaque instant dans des accès d'inquiétude ou de colère qui engendraient une fièvre constante dont il ne se guérissait que par le travail. Tant qu'il ne serait pas fixé sur le sort de son fils, il n'y aurait pas de chance pour l'opération et on la différerait. Plus tard, deviendrait-elle possible? On n'en savait rien et l'on resterait dans cette incertitude tant que par de bons soins l'état de M. Vulfranc ne serait pas assez assuré pour décider les oculistes. Mettre Mademoiselle Bellhomme sur le compte de M. Vulfranc et la faire parler était en somme assez facile pour Perrine. Mais il n'en avait pas été de même lorsqu'elle avait voulu compléter ce que la conversation de Fabry et de Montbleu lui avait appris sur les secrètes espérances des neveux, aussi bien que sur celles de Talwell. Ce n'était point une sotte que l'institutrice. Il s'en fallait de tout, et elle ne se laisserait interroger, ni directement ni indirectement, sur un pareil sujet. Que Perrine fût curieuse de savoir ce qu'était la maladie de M. Vulfranc, dans quelles conditions elle s'était produite, et quelle chance il y avait pour qu'il recouvrât la vue un jour ou ne la recouvra point, il n'y avait rien que de naturel et même de légitime à ce qu'elle se préoccupât de la santé de son bienfaiteur. Mais qu'elle montrât la même curiosité pour les intrigues des neveux et celles de Talwell dont on parlait dans le village, voilà qui certainement ne serait pas admissible. Est-ce que ces choses-là regardent les petites filles? Est-ce un sujet de conversation entre une maîtresse et son élève? Est-ce avec des histoires et des bavardages de ce genre qu'on forme le caractère d'une enfant? Elle aurait donc dû renoncer à tirer quoi que ce fût de l'institutrice à cet égard, si une visite à Maraucourt de Madame Bretonneux, la mère de Casimir, n'était venue ouvrir les lèvres de Mademoiselle Bellhomme, qui serait certainement restée close. Avertie de cette visite par M. Vulfranc, Perrine en fit part à Mademoiselle Bellhomme en lui disant que la leçon du lendemain serait peut-être dérangée, et du moment où elle eut reçu cette nouvelle, l'institutrice montra une préoccupation tout à fait extraordinaire chez elle, car c'était une de ses qualités de ne se laisser distraire par rien et de tenir son élève constamment en main comme le cavalier qui doit faire franchir à sa monture un passage périlleux tout plein de dangers. Qu'avait-elle donc? Ce fut seulement peu de temps avant son départ que Perrine eut une réponse à cette question qui 20 fois s'était posée à son esprit. « Ma chère enfant, dit Mademoiselle Bellhomme en baissant la voix, je dois vous donner le conseil de vous montrer discrète et réservée demain avec la dame dont la visite vous est annoncée. Discrète ? À propos de quoi ? Réservée en quoi et comment ? Ce n'est pas seulement de votre instruction que je suis chargée par M. Vulfranc, c'est aussi de votre éducation. Voilà pourquoi je vous adresse ce conseil, dans votre intérêt comme dans l'intérêt de tous. Je vous en prie, mademoiselle, expliquez-moi ce que je dois faire, car je vous assure que je ne comprends pas du tout ce qu'exige le conseil que vous me donnez, et tel qu'il est, il m'effraie. Bien que vous ne soyez que depuis peu à Maraucourt, vous devez savoir que la maladie de M. Vulfranc et la disparition de M. Edmond sont une cause d'inquiétude pour tout le pays. Oui, mademoiselle, j'ai entendu parler de cela. Que deviendraient les usines dont vivent 7 000 ouvriers, sans compter ceux qui vivent eux-mêmes de ces ouvriers, si M. Vulfranc mourait et si M. Edmond ne revenait pas? Vous devez sentir que ces questions ne se sont pas posées sans éveiller des convoitises. M. Vulfranc alléguerait-il la direction à ses deux neveux, ou bien à un seul, qui lui inspirerait plus de confiance que l'autre, ou bien encore à celui qui, depuis 20 ans, a été son bras droit, et qui, ayant dirigé avec lui cette immense machine, est peut-être plus que personne en situation et en état de ne pas la laisser péricliter. Quand M. Vulfranc a fait venir son neveu M. Théodore, on a cru qu'il désignait ainsi celui-ci pour son successeur, mais quand l'année dernière il a appelé près de lui M. Casimir, au moment où celui-ci sortait de l'école des Ponts et Chaussées, on a compris qu'on s'était trompé et que le choix de M. Vulfranc ne s'était encore fixé sur personne, par cette raison décisive qu'il ne veut pour successeur que son fils, car malgré les querelles qui les ont séparés depuis plus de 12 ans, c'est son fils seul qu'il aime, d'un amour et d'un orgueil de père, et il l'attend. M. Edmond reviendra-t-il? On n'en sait rien, puisqu'on ignore s'il est vivant ou mort. Une seule personne recevait probablement de ses nouvelles, comme M. Edmond recevait de cette personne, qui n'était autre que notre ancien curé, M. l'abbé Poiret. Mais M. l'abbé Poiret est mort depuis 2 ans, et aujourd'hui, il paraît à peu près certain qu'il est impossible de savoir à quoi s'en tenir. Pour M. Vulfranc, il croit, il est sûr que son fils arrivera un jour ou l'autre. Pour les personnes qui ont intérêt à ce que M. Edmond soit mort, elles croient non moins fermement, elles sont non moins sûres qu'il est mort réellement, et elles manœuvrent de façon à se trouver maîtresse de la situation le jour où la nouvelle de cette mort arrivera à M. Vulfranc, qu'elle pourra bien tuer d'ailleurs. Maintenant, ma chère enfant, comprenez-vous l'intérêt que vous avez, vous qui vivez dans l'intimité de M. Vulfranc, à vous montrer discrète et réservée avec la mère de M. Casimir, qui, de toutes les manières, travaille pour son fils aussi bien que contre ceux qui menacent celui-ci? Si vous étiez trop bien avec elle, vous seriez mal avec la mère de M. Théodore, de même que si vous étiez trop bien avec celle-ci quand elle viendra, ce qui certainement ne tardera pas, vous auriez pour adversaire Mme Bretonneux. Sans compter que si vous gagniez les bonnes grâces des deux, vous vous attireriez peut-être l'hostilité de celui qui a tout à redouter d'elle. Voilà pourquoi je vous recommande la plus grande circonspection. Parlez aussi peu que possible, et toutes les fois que vous serez interrogé, de façon à ce que vous deviez malgré tout répondre, ne dites que des choses insignifiantes ou vagues. Dans la vie, bien souvent, on a plus d'intérêt à s'effacer qu'à briller, et à se faire prendre pour une fille un peu bête, plutôt que pour une trop intelligente. C'est votre cas, et moins vous paraîtrez intelligente, plus vous le serez.